J'ai assez vu le mur, j'ai assez vu le banc, j'ai assez vu le ciel s'assombrir, j'ai vu le temps passer comme s'il avançait pas. Je cours, je m'en bats les couilles si à faux départ. Je suis au milieu de la scène, les bras ouverts comme Paoletta. Personne n'a jamais commandé d'Happy Meal, m'a mis aux courses. Le daron en burn-out comme Avicii. J'ai 10 ans, je zozote comme Alibi. Les chaussures qui font aller vite, 4 ans après, je tire sur un joint, je suis défoncé comme Ali G. Je suis allé à l'usine, j'ai pas kiffé. À l'école, j'ai pas kiffé. Les études, j'ai pas kiffé. Travailler pour un mec qui s'en fout de moi, j'ai pas cliqué. C'est pas hyper compliqué. La première fois sur scène, j'ai paniqué. La première fois dans un studio, j'ai paniqué. On tombe, on réessaye. La deuxième fois au studio, j'ai paniqué parce que j'ai peur de tomber. Depuis le blanco sur le ispac et les dessins animés, j'ai fait 5 photos et 10 concerts, je vais pas me sentir arrivé. Par contre, je me sens en train de tout baiser là. Puis les peu mieux faire et les odeurs de Véléda. On tombe, on réessaye de le faire et puis on voit tout le monde lever les bras. Elles sont belles vos peintures, mais je préfère raconter les tâches, raconter les cages, les cris qu'on entend à l'étage, les traits dans la marche, les loupes et les ascenseurs de bloquer, les locations de couper, sport et les eaux chaudes de couper. Dieu merci les instrus, Dieu merci les couplets. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. Je me réveille au champ des poubelles et des oiseaux. Des snaps de la voisine qui passe au travers de la cloison. On fait que répéter qu'on veut des caras et une Porsche. Tout ce qu'on voulait c'est une maison, un bisou. J'ai la veine sur le front, c'est la zizou. En 2006, je rappe tellement bien que c'est politique. Je rappe tellement bien que sur les dorsaux j'ai un demi-smic. Je me rends compte que c'est la honte dès que je suis un peu lucide. Attends deux minutes, je te cause la clope éclatée dans le coste. Là le regard de Montana sur la cover ou sur le poster. Ma maman veut pas de villa à la mer, elle veut que je sois dispo à sa pose déj. Putain, ta souris j'ai fait pomme S. Fut un temps où j'y croyais pas. Maintenant le putain de destin il mange son carré. Croit, il mange sa feinte, il mange son carré. Da, son tombeau, j'essaie de le faire mais j'étais dans un sale état. Je rappe les héros des posters, les rayures sur le carénage, le soleil dans la poussière. Le pain trop dur dans le toaster ou dans le micro-ondes. La peur du manque, la peur du psychologue, le bruit du violon. Destin sanguinolent, je roule inter, je pilote. Attiré par le vide ou par le pylône. Papy est parti juste avant la plus grosse date de ma vie. Du coup j'ai rien compris le jour de la plus grosse date de ma vie. Réveil strident, un café noir, je m'habille. Je fixe le miroir dans les pupilles comme si je vivais la plus grosse date de ma vie. Mamie est partie juste après, tête cassée, cœur verrouillé, qui voudra plus jamais parler. Mais on tombe, on réessaye, donc je ferme les yeux, je revis la scène comme si j'enfermais ton souvenir pour qu'il puisse jamais disparaître. Okay. On tombe, on réessaye pas seul, non. On réessaye pas seulement, on réessaye jusqu'à ce que la prochaine chute fasse un bruit blanc. J'aurais rien fait sans toi, j'aurais rien fait tout ce temps. Parler ça fait du bruit et croire en soi ça fait un boucan. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye. On tombe, on réessaye.